En Corée du Sud, dès le petit matin du 26, partout dans la ville de Séoul, il y a eu des grandes manifestations avant la 5e action pan-nationale visant à faire démissionner Bakune, sorcière de la Maison Bleue. Le groupe de lutte constitué de la Confédération nationale des sociétés des paysans et de la Confédération nationale des sociétés des paysannes, ainsi que le rassemblement des formations féminines regroupant une trentaine d'organisations, ont tenu des rendez-vous dans le parc Sezonno, alors que l'espoir de la communauté des jeunes et enfants du 21e siècle, un meeting d'actualité devant le pavillon Bossine, le Conseil extraordinaire national des professeurs et chercheurs, une réunion d'actualité devant le pavillon Tongno, la révolution des lycéens et la solidarité des parents des handicapés du pays, respectivement des rassemblements devant la gare de Myeongdong et la place Tongue. Des partis de l'opposition comme le Parti démocrate de Boulon et le Parti de la population ont organisé un rassemblement et une réunion des militants, alors que le Parti de la justice, une cérémonie de départ des affaires du parti ambulante pour la démission de la présidente. Le maire de Séoul, Park Won-sun, a réclamé catégoriquement la retraite de Bakune, soulignant que la résidence de la présidente est maintenant la préfecture du parquet et non la Maison Bleue. Après les rassemblements, toutes les couches sociales ont entrepris la première marche d'encerclement en direction de la Maison Bleue. Les manifestants ont encerclé la Maison Bleue en scandant le slogan « Abba Bakune ». Par la suite, des centaines de milliers de manifestants se sont réunis sur la place de Séoul en droit de lutte principale. D'après Yonhap News, ce jour-là à l'après-midi, partout à Séoul sont prévus pour des grands rassemblements de plus d'1 500 000 personnes, le premier du genre dans l'histoire, où participeront plus de 1 500 formations civiles et sociales. Des presses étrangères aussi ont fait part simultanément de la lutte des Sud-Coréens sous les titres comme « Encercle la Maison Bleue, départ des citadins enragés ». Les manifestants ont décidé de continuer la lutte sous des formes variées comme un rassemblement principal de la 5e action pan-nationale, la 2e marche d'encerclement vers la Maison Bleue et le spectacle contre Bakune jusqu'au petit matin du 27 novembre. Par ailleurs, le 23, le journal d'internet sud-coréen Christian a annoncé la fuite successive à bord du bateau naufragé portant le nom Bakune, du ministre de la Justice et du secrétaire en chef de la Maison Bleue chargé de l'administration civile, tout proche de Bakune, qui est resté pour remédier à l'affaire de l'offensive aux affaires d'État. L'ex-représentant du parti pour un nouveau monde, parti au pouvoir, Kim Mo-sung aussi, a déclaré se tenir en tête pour la démission de Bakune, dit-on.